Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Que oui, il s'est passé quelque chose d'incroyable la semaine dernière. Ouais, on l'a comme écorché au passage, là, à la fin de l'émission, pendant à peu près un quart de seconde, j'ai mentionné la chose suivante. J'ai perdu au bowling, on contactera les personnes qui ont participé au concours. Eh, que oui, monsieur, j'étais beaucoup plus fort avec genre 30 pins de plus. On a vraiment pas bien joué cette fête. Non, vraiment pas. Tu sais, on a dû avoir une moyenne d'à peu près 118-120. À peu près. C'était vraiment pas très beau. Mais tu sais, si on avait été faire un Cosmic Bowling avec nos amis, on aurait quand même gagné. Oui, ça, c'est clair. Hey, parlant de Cosmic Bowling avec nos amis, avant de faire le concours, hier, il y a quelqu'un qui est venu jouer au Cosmic Bowling. Puis je sais pas si c'est quelqu'un qui savait jouer au bowling parce que la première game, il a genre joué 98. Puis la dernière, il a joué genre 70. Mais la deuxième, il a joué 274. Quoi? Oui, il a collé genre 10 à bas de suite. Ben, le gars, il finit avec genre une moyenne de 130, mais il a joué une game de 274. Ah ouais, genre. C'est bien drôle. C'est absolument incroyable. J'ai déjà raconté la fois que j'étais au Cosmic Bowling, puis que le lendemain, je me suis fait couper les cheveux. Hein? J'avais déjà joué au Cosmic Bowling, c'était il y a 2 ans quand j'avais les cheveux mauves. Mm-hmm. Puis, le lendemain, j'étais me faire couper mes cheveux mauves. Pis, la fille qui m'a coupé les cheveux, elle jouait aux quilles à côté de moi. Ben non. L'allée à côté, elle a dit, « Hey, je vais te poser une question, là, c'est un peu bizarre pendant qu'elle est en train de me laver les cheveux. Ouais. Est-ce que t'étais aux quilles hier? » oui. Les cheveux brillaient dans le noir. Non, pas vraiment. Mais vu qu'il y a comme des blacklights pis tout, il y avait comme des paris à savoir c'était quoi ma couleur de cheveux. Genre, il était comme. Ouais. Voyons, le gars, il a des cheveux de couleur. Hein, c'est bizarre. Genre, quelle couleur tu penses que c'est? Ben, Krim, elle les a coupés le lendemain. Ah, hey. Fait qu'elle a pu repartir avec, même, si elle voulait. Ben, peut-être. Je sais pas qu'elle avait avec, hein. Parce que c'est pas tout le monde qui ramasse son poil, mais en tout cas. on a 3 personnes qui ont participé et qui ont eu la bonne réponse au concours. C'est-à-dire? Au concours de dessin. Non, pas encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Le concours de dessin s'en vient. Il faut absolument être à l'affût. Parce à vos que crayons. Le concours de dessin, ça sera bientôt. Ouais. On a Roxane Lemieux qui a eu une bonne réponse. C'est notre charmante sœur. On a aussi Christian Hamel qui a eu la bonne réponse. Notre charmant Christian Hamel qui est aussi un podcasteur. Un podcasteur. Et nous avons Charles-Alexandre Charest. Qui est aussi improvisateur. Charles-Alexandre Charest. Charles-Alex. je vais piger. Je vais te laisser piger, Maxime, parce que c'est moi qui ai préparé les petits papiers. C'est quand même moi qui ai gagné. Mon étui de lunettes sans regarder. Je ne regarde pas. De toute façon, je vois pas au travers du papier. Les autres personnes qui avaient participé étaient Vicky Arsenault, Rosalie Potvin et Xavier Mallette. Merci à tous d'avoir participé. Shout-out à vous autres, mais vous aviez beaucoup trop confiance à Guillaume. Et la personne qui gagne le prix mystère, c'est Roxane, notre sœur. Bravo Roxane, notre sœur, tu te mériteras un prix que nous te offrirons. Ben, on n'aura même pas besoin de le shipper par la malle parce qu'on sait où est-ce que t'habites. D'accord. Hey, est-ce qu'on l'appelle? Hey, appelle-la! On va l'appeler. C'est drôle, là. Ouais, bon. On va appeler Roxane. Attendez-nous. Ok. Oui, allô? Oui, bonjour Roxane, c'est Maxime du 17 Avenue des Pins. Oui, bonjour. On vous appelle pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous avez gagné le concours mystère. Ouais! Le concours où est-ce qu'il fallait deviner c'est qui jouait le plus fort au quai? Ben, c'était moi. Bravo! C'est Maxime qui a gagné par à peu près 30 quilles, puis on va t'offrir un prix mystère. Comme on disait, on n'aura même pas besoin de t'envoyer par la malle, on va juste pouvoir venir te le porter. Fait que la prochaine fois qu'on se voit, on va avoir un cadeau pour toi, puis tu vas pouvoir dire à tout le monde ça va être quoi. Ok, fait que je vais l'écrire sur votre mur, dans le fond, de cette avenue des pins, c'est quoi. Ah, excellent, ouais, exactement. Vous irez voir tu pourras même page mettre Facebook. Une photo, si ben tu oui. veux. Ben oui, une photo aussi, j'ai hâte de voir ça. Nice. Ben, en même temps que t'es en direct, pré-enregistré, t'as-tu un mot à dire à toute la communauté on a-tu un nom pour notre fanbase? Je pense que ça les peut pineux. Être... Les petits cailloux. Les petits cailloux. Les petits cailloux. T'as-tu un message à dire à tous nos petits cailloux qui nous écoutent? Ben, je leur dis que, ben, ils sont vraiment géniaux de vous écouter, pis que, ben, c'est ça, je les aime tous parce que écoute vous autres. Oh, c'est bien gentil. Nous autres aussi, on t'aime. Maxime, pendant que Roxane est là avec nous autres, tu veux-tu lire la petite carte que j'avais préparée pour Roxane? Ben oui, ben on avait une petite carte pour toi. Hey Roxane, t'es comme une boule de plaisir. Lorsque nous te regardons, il y a plein de couleurs et de sourires. Prends soin de toi, tu es l'arc-en-ciel du bonheur des gens. Oh, c'est beau. Ah. Est-ce que tu veux faire un petit vous écouter le 17 avenue des Pins sur les ondes de puissance maximale pour nous? Et RZO. Malheureusement, je suis au travail. Ah, ok. Ben, bonne chance dans ton travail. Puis, on passe fort à toi. Ok, bye. Salut. Elle nous a répondu au cellulaire à son travail. C'est donc bien une jeune désinvolte. Ben oui, mais elle peut pas dire des choses comme le 17 avenue des Pins. Ah apparemment. Non? Ben non, elle a pas voulu le dire parce que c'est à son travail. Mais tu sais, elle a déjà passé dans le journal. Travail, Maxime. Elle a déjà passé dans le journal à cause qu'elle tenait son cellulaire qui était pas un cellulaire. C'était en fait un tube de crème solaire. Eh oui, avec un titre genre oh, les enfants du camp, ils travaillent avec un cellulaire dans les mains. Elle est en train de mettre de la crème solaire à un enfant. Hey Maxime, faut que je te dise, je suis absolument insurgé. Tu parlais justement de travail. J'aimerais te parler de mon travail à la maternelle. Comme je dois rester confidentiel, je ne nommerai pas de nom. Je vais seulement te dire la situation parce que j'étais en beau fusil. Je t'ai dit, j'étais renversé. Complètement renversé. Comme un gâteau pomme? Comme un gâteau pomme. Pire que ça. Un gâteau. Un floating island. Un floating island un renversé? Floating island renversé. Shit. Je t'ai dit, oh mon dieu, ça c'est grave. Maxime, c'était complètement ridicule. Je travaille dans une classe de maternelle, vous le savez maintenant parce que j'en parle souvent. Ça et le bowling. Ouais, ça et le bowling. C'est les deux métiers que je partage le plus, je pense, au 17 Avenue des Pins et mon métier de podcasteur. C'est qui me rapporte beaucoup d'argent. Enfin bref. Éventuellement, on va y aller vers éventuellement. Ça. Éventuellement. On fait pas ça pour ça. Mais non, on fait ça parce qu'on a du fun à le faire. Sinon, ça, on ferait pas ça. Exact. Ça, c'est un conseil de vie que j'offre à tous. Mais là, je dis vague. Vague. La chose que je veux te partager, Maxime, et pour laquelle je suis en beau fusil. J'étais justement en train de... On était dehors. Les jeunes étaient en train de jouer dehors dans la neige puis tout. Fait que là, la prof, d'un coup, c'est l'heure de rentrer. Fait qu'elle demande aux jeunes de venir rentrer. Puis quand on rentre, moi, je me mets à l'avant. Les jeunes font le rang devant moi. Puis après ça, je rentre avec les jeunes. Puis la prof, elle, suit en arrière. Puis enfin bref, c'est comme ça que ça marche. OK. Puis là, il y en a un qui arrive. Puis là, il se met en avant de moi. Puis là, il y en a un autre qui arrive. Puis là, il dépasse. Fait que là, ils ont 4 ans, tu sais, ils chicanent un petit peu. Il y en a qui disent « Hey, c'est moi qui étais premier! » Je dis « Non, c'est moi qui étais premier! » Fait que là, moi, pour rire avec eux autres et avoir du plaisir, tu sais pas qu'est-ce que je fais? « Oh non, c'est moi qui étais premier! » C'est ça! J'en avais dit « Ah ah! » C'est moi qui étais premier. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Je mets mes mains dans mes oreilles comme ça, puis je fais un pet en intimidé. Sortant la langue. En tirant la langue. OK. Et la prof m'a averti. La prof t'a averti parce que t'as écœuré les enfants? La prof m'a averti parce que j'enseignais aux jeunes des comportements inadéquats. Il était déjà en train de chicaner. Tu n'as pas le droit de faire une grimace à un enfant à l'école. Hey, ça va-tu devenir des enfants turbulents s'ils apprennent qu'il y a des gens qui font des grimaces? C'est clair. Moi, là, écoute, un enseignant qui fait des grimaces à des enfants, pas question. Moi, j'envoie ça direct au CA, puis il est aussi bien de perdre sa job parce que c'est inacceptable. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire après ça? Ils vont faire des grimaces. Ils vont faire des grimaces entre eux autres. Hey, si jamais tu lui donnes une consigne, il va te faire une grimace en plus. Non. Ça, c'est pas une belle société. Et c'est non. Pas la société conformiste que l'on veut et que l'on souhaite en tant que société de gauche ouverte à... prête à tout pour l'ouverture d'esprit. Sauf quand vient le temps d'avoir du plaisir. Quand tu veux avoir du plaisir, non merci. Ben, c'est bien dit, ça. C'est choquant. C'est, j'étais absolument... Je dis, j'étais outré. Outré certain, j'étais fâché. Puis là, comme voyons donc, Moses de cochonnerie. Tu vas avoir du fun avec les enfants un peu là. T'auras plus le droit. C'est fini. J'ai plus le droit de faire des grimaces aux enfants. Puis à partir de maintenant, note ça. Le 4 février 2017 à 10h51 AM, je ne fais plus de grimaces aux enfants. Plus jamais. Au travail ou dans la vie? Plus jamais dans la vie. Plus jamais, c'est parce fini. Parce que sinon que ça, l'éducation de mes enfants. Hey, mon Dieu, imagine si c'est des enfants et tu leur fais des grimaces. Arrête. Moi, les enfants là, qui me font des grimaces, là, si je fais une grimace à un enfant un jour, Rosalie, je veux absolument que tu demandes le divorce. Demande le divorce. Puis si tu fais de même, je demande le divorce aussi. Pas question. Moi, un parent qui fait une grimace à son enfant, là, ça va gâcher l'enfant. Ben oui. Hey, on veut qu'il se forme au moule social. T'imagines-tu s'il se met à avoir du plaisir? Mais non, c'est interdit d'avoir du plaisir parce que sinon tu voudras plus travailler 45 heures par semaine. Ben exactement. Et parlant de travail à 40 heures par semaine, le lien est vraiment pas là. Mais en fait, c'est que hier, J'ai été souper avec David, notre cousin, Chantal à David, puis ma blonde, Chantal Tagati, puis Marie-Angélique, qui est la blonde à David. Chantal à Marie-Angélique. Fait que là, j'en dirai pas trop, mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais j'ai essayé une expérience de VR à son travail. OK? Ah, OK. De VR, un véhicule récréatif. Non, le de réalité virtuelle. RV, comme on dirait dans le bon... mais c'est ça. Puis, je n'irai pas de nom de compagnie puis rien pour pas les mettre dans la ch'toute parce que je pense que c'est quelque chose... c'est une expérience qu'ils veulent faire, là. Un peu secret, genre. C'est un peu secret, c'est quelque chose qui peut pas se mettre genre sur les consoles, là. Tu vas voir pourquoi. Okay. Là, j'arrive là-bas, elle dit, tu veux-tu essayer ce jeu-là? Je suis comme, OK, j'ai jamais essayé la réalité virtuelle, fait que j'étais curieux. Ouais. Elle dit, embarque dans la charrette. Fait que là, il y a une charrette dans leur bureau. Ouais. Fait que là, t'embarques dans la charrette, tu mets le casque, puis après ça, tu pars. Puis là, t'es dans une charrette, puis là, t'as des gans, puis c'est ça tes contrôles. Fait que t'as ton cheval en avant de toi, pis là, si tu tires la gans à gauche, le cheval tourne un peu à gauche, si tu tires la gans à droite, le cheval tourne un peu à droite, puis là, t'avances de même, puis toi, t'as un personnage muet. Puis là, t'as des gens dans la charrette qui te parlent, puis là, tu peux y répondre par oui ou par non. Puis là, tu te promènes dans la charrette. Mais là, crime! Pour vrai, t'as-tu déjà essayé un casque de réalité virtuelle? Non, pas tout. Man, tu descends des côtes, t'as vraiment l'impression que t'es en train de descendre une côte, là. T'es comme un guidi dans le ventre, t'es comme, oh shit, t'es en train de descendre, on monte, ça a l'air tough, là. C'est fou braque. Puis le crime, ils ont programmé des ventilateurs, puis des pompes à eau. Fait que là, tu te promènes à côté d'une chute, je reçois de l'eau sur moi. J'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, là? C'est non, mais cool. C'est le genre de truc qu'il devrait installer dans une arcade, là. Ben, pour vrai, c'est le genre de truc que tu vas, mettons, à Expo Québec, puis tu fais essayer ça aux gens, là. Ou genre, au Galerie de la Capitale, dans la section des jeux. C'est malade mental. Non, mais cool. Puis là, enfin, ça se met allé super vite. J'ai enlevé mon casque, j'étais plus capable. J'étais genre, ces nerfs, là. Je pompais, là. J'étais comme des frissons partout. C'était fou braque. Fait que une expérience positive. Une expérience très positive de la VR. Je savais pas à quoi m'en attendre. Je suis quand quelqu'un qui. Les trucs que je connais pas, ça me stresse un peu aussi, là. Surtout que t'as comme plus tes repères. Parce que l'équilibre, ça se fait avec l'oreille interne. Ouais. Mais là, ton oreille interne, tout ce que t'en. Tu sais, tout tes. En tant que tel, t'es statique dans un bureau. Puis ce que t'entends, ben, c'est dans le jeu. Mm-hmm. Puis, tu t'as comme pas des repères moteurs, mais ça marche. Hey, c'est cool, très weird. Moi, je suis un peu sceptique, personnellement, à l'endroit de la réalité virtuelle, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est plus gimmicky que d'autres choses. Puis je me demande vraiment jusqu'à quel point est-ce que le médium peut être exploité à long terme. C'est surtout ça que je me demande. Je me demande, j'ai juste l'impression que la réalité virtuelle, c'est une mode qui pourrait durer un an ou deux, puis après ça, mourir dans l'œuf. Ben, un peu comme la 3D, si on veut, ben là. Oui. Mais non, je pense que ça a vraiment beaucoup de potentiel. Je sais pas si t'as vu comme les tapis sans friction. Hein. Non. C'est genre un tapis octogonal, avec des barres qui montent à peu près d'un mètre dans les airs. Puis toi, tu t'installes dans le centre de ça, je pense que t'as un harnais ou je sais pas quoi. Puis t'as des souliers spéciaux sans friction. Okay. Fait que là, dans le fond, tu peux comme courir sur place. Parce que le tapis, il n'y a pas de friction. Fait que là, tes pieds, ils courent. Okay. Mais toi, t'es comme attaché. Fait que tu restes sous centre. Fait que là, si t'as des manettes des manettes de motion control avec le casque de VR, ben, tu peux te promener sans bouger, genre, te foncer dans un mur. Fait que tu sais, genre, tu pourrais jouer à Portal en courant pour de vrai. Celui que j'avais vu, c'était un jeu de guerre, je pense, qui jouait et qui courait sur place. Puis il y avait comme un fusil. Puis ça allait. Non, c'est vraiment cool. Je pense que ça a beaucoup de potentiel. Mais je pense que potentiel optimal et pas dans le salon de tout le monde. C'est plus ça a plus beaucoup de potentiel dans des salles d'expérience. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, t'installerais ça dans une arcade, ça pourrait pogner à mort. Ouais, c'est mais ça. Mais acheter ça chez vous, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça a l'air que c'est quand même cool parce que, tu sais, mettons que tu joues assis sur ton divan, ben là, tu t'as vraiment. T'es plus plongé dans le jeu, tu sais. Je sais pas, là, mais tu sais, mettons que tu joues à, je sais pas, Fable, tu sais, le monde, il est quand même beau pis tout, ben, tu sais, t'as pas besoin d'avoir comme la télé autour pis, tu sais, t'es vraiment tout seul là-dedans. Pis même, il y a un gars qui a essayé la NES classique, tu peux la brancher en HDMI, pis la PS4 a une prise HDMI, je pense, ou un affaire de même. Fait que là, il jouait à la NES Mini dans un casque de réalité virtuelle. Pis c'est comme si t'étais dans une salle de cinéma, parce que dans le fond, si tu branches quelque chose de normal, ça va te le projeter comme sur un gros écran. Puis ça a l'air que c'était malade mental. C'est genre la meilleure expérience de NES qu'il a eu de sa vie, c'est dans le mettant dans un casque de VR. C'est cool. Fait que je pense que ça a quand même beaucoup de potentiel. C'est encore cher pour l'instant. Ouais. Mais je pense, pour vrai, je pense que d'ici 2 ans, ça va vraiment avoir pogné puis ça va être rendu abordable. Bon, ben tant mieux. Écoute, si tu devais donner une note de 1 à 10, mettons, sur ton expérience, c'est quoi tu donnerais? Je mettrais 8.5 ou 9. Juste parce que il y a l'aspect comme voyons non, les malaises reliés au mouvement, là, je me souviens plus, motion sickness qu'on dit en anglais, qui est quand même un peu présent, puis il y a le fait aussi que tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il peut avoir. T'sais, moi, je me suis jamais fait pitcher une roche en pleine face. Mais tu sais, dans un jeu de réalité virtuelle, je pourrais recevoir une roche en pleine face, mais comment est-ce que je vais réagir? Je vais-tu comme me revoler à terre ou n'importe quoi? J'ai vu un gars genre qui s'était blessé parce qu'il était comme en train de grimper un arbre, puis là, il est comme tombé de l'arbre, et là, il s'est sacré à terre, pis là, il s'est comme pété la tête à terre, pis là, c'est comme, ok, mais c'est pas le fun, ça. Non, effectivement. Fait que je pense qu'il y a comme un concept de sécurité qui manque peut-être un peu là-dedans, genre que quand il y a des situations dangereuses, un peu de même, que. Un signal sonore, ouais, de même. Ou mettons, tu sais, comme je te disais, là, c'est comme si ça se projetait sur un écran, le NES Mini. Ouais. Tu sais, peut-être que quand ça détecte que, mettons, tu vas tomber d'un arbre ou une affaire de même, pour pas que ton corps réagisse involontairement, tu sacres à terre. Ben peut-être que l'image devrait se décoller puis se faire comme devenir un écran. OK. Fait que je sais pas si. Ouais, ça pourrait peut-être. Je sais pas. Je pense ouais, qu'il y a un aspect de sécurité qui manque peut-être, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Mais tu sais, des fois, il y a des réflexes involontaires. Hey, ça dérange-tu si je termine ça sur le segment sur une anecdote cocasse? Non, je pense que ça va être bien déterminé le segment. Hier, j'étais allé chier. Mais c'est pas, cocasse? Pas n'importe quel caca, tu sais. J'étais allé à la toilette à la salle de quille parce que je travaillais. Puis là, je fais un gros caca, ça allait bien tout, je m'essuie, là, tout se passe bien encore. Et là, je me lève debout, je lève mes culottes, mais je les ai levé un petit peu trop rapidement. J'ai échappé ma monnaie dans le fond de la toilette, pleine de merde. T'as perdu combien? Ben, 50 cents. Mais okay, je l'ai récupéré. Mais se brosser les dents derrière le comptoir, ça c'est inacceptable. Ça c'est inacceptable. J'étais allé me chercher des gants dans le fond, puis j'étais allé chercher mon argent. Là, c'était pas si pire que ça. Là. C'est juste qu'il a fallu que je lave mon argent, puis mes mains aussi. Maman qui était dans des gants, c'était pas si pire. Toi, la forme de tes crottes, c'est quoi? C'est comme pointu? Est-ce que c'est cylindrique, légèrement? Ouais. Oh. Ouais. Match à 4. Ouais, Jack, sors-moi ça de là. Ouais, ils peuvent la monter. Ouais, ils peuvent la monter, je la veux pas. Ben, c'est pas moi qui décide. C'est pas bon, c'est pas moi qui décide. C'est pas bon, là. C'est pourri. C'est Monsieur K. McMahon qui décide. Ouais, c'est vrai. Vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur les ondes de puissance maximale. Oh yeah! Bon, Guillaume, il y a quelque chose que t'as dit tantôt pendant le résumé de nos semaines qui m'a frappé. C'est quand tu t'es mis à parler du Québec gauchiste, pis t'as dit ça, toi. J'ai trouvé qu'il sonnait un peu comme le 93-3 pendant un instant. Ouais, effectivement, mais c'était un peu satirique, là. J'ai exagéré peut-être un tout petit peu sur mes propos. C'est un peu... Je te dirais, c'est pour montrer un petit peu comment j'ai du dégoût pour la mollesse de notre génération, pis... On s'écrase un petit peu sur n'importe quelle controverse qui pourrait se passer. Ben, il n'y a plus personne. Il y a personne qui a le droit d'être choqué. Non, ça c'est vrai. Ben, c'est ça. Fait qu'on peut pas être choqué par les affaires, on n'a pas le droit de se choquer des affaires. À fait moins là, d'être un artiste. Ouais, ben, si t'es un artiste, là, tu peux le dénoncer. Là, tu peux le dénoncer. C'est une minorité, tu peux le dénoncer. Voilà. Ben, c'est ça. Mais si t'es le Québécois lambda, ben là, t'as plus de droit, aucun là. Pouvoir là-dessus. Non, nous autres, on est des personnes, des vaches à lait, des personnes qui se font toutes données, mais ouais, ça, c'est correct. C'est ça. Qu'on a plus le droit de se plaindre. En même temps, je pense qu'on n'est pas à plaindre, là, quelque part, là. On est très, très bien dans ce qu'on est, puis dans ce qu'on fait. On aurait beau être millionnaire, s'il y a quelque chose que t'aimes pas, t'as le droit de pas aimer ça, là. Voilà. T'as le droit de te plaindre, même si t'as la meilleure condition au monde, là. Exactement. C'est pas parce que ça va bien, puis qu'il y a des gens pires que toi, que t'as pas le droit d'avoir des bobos dans ta vie. Voilà. Bon. Ce qui fait que c'est un peu ça, là, tu sais. C'est un petit peu exagéré, ce que j'ai dit. Peut-être, hein? Je vais dire comme dirait si bien Jules Parent, la radio de Québec est pas parfaite. Ben, parlant de la radio Québec de Québec, j'ai un jeu que toi t'as commencé à faire au 17ème des Pins, une minute pour se justifier. Ouais, hey, un timer, jeune homme. Ben ouais, je vais aller chercher le timer parce que sinon ça marchera pas. Une minute pour me justifier. Clock, ok, super. Je vais partir une stopwatch, puis à chaque minute, je vais. Je vais te poser une autre question. Ben, c'est une minute pour se justifier. Ayant comme thème. La Radio de Québec. La Radio de Québec. Fait qu'on a à peu près 10-12 versus qui sont à 95% en lien avec la Radio de Québec. Ah, oh, malade. OK. Fait que, est-ce que t'es prêt, Guillaume? J'suis vraiment prêt. OK, d'accord. Une minute pour se justifier. La radio ou le web? Tu parles-tu de web radio ou juste d'Internet en général? Ben, Internet pour l'information, là. Ton information, la radio ou le web? La radio. C'est un peu un complément des deux, remarque, là, parce que la radio, d'abord, pour comme me faire pitcher l'information, puis le web pour l'approfondir, là. Ce qui fait que, ouais, j'irais dans le mélange des deux, parce que, en tant que tel, je suis pas un expert de retrouver l'information sur Internet. Écoute, je sais qu'il y a toutes sortes d'applications pour ça qui se font sur les téléphones, puis que j'aurais juste à télécharger cette application-là, puis ça me faciliterait la vie. Mais mon téléphone est un petit peu à chier, fait que je télécharge pas d'application pour mon téléphone. Puis t'as plus d'espace, puis tu peux pas le mettre sur la carte SD. Exactement. Ce qui fait que, ouais, je vais dire radio pour me faire pitcher l'information et le web pour l'approfondir. Hey, c'est très bien, très bonne réponse. Deuxième, Éric Duhaime ou Bernard Drainville? Bernard Drainville. Pourquoi? Bernard Drainville a beaucoup plus de répartie dans Gamoua. C'est une personne qui est capable de relativiser les choses beaucoup plus qu'Éric Duhaime, puis qui se laisse pas emporter, je te dirais, par ses émotions, autant qu'Éric Duhaime. Éric Duhaime, personnellement, j'ai bien de la misère avec tous ses propos. Et je te dirais la teneur de ce qu'il peut dire. C'est extrême ce qu'il dit, hein? Vraiment. C'est comme t'avais-tu vu passer le truc qu'il avait dit sur la tête de cochon devant la mosquée? Oui, oui. Eh oui, ça ressortit, là, parce que là, eux, ils se sont mis à se faire flageller. Un peu pourquoi aussi, on a une lettre justifiée, mais il était comme, ah ben là, si on n'a plus le droit de donner des têtes de cochon. C'est comme, voyons, t'es-tu capable? Franchement, c'est ça, exact. C'est tout le temps une coche de trop, on dirait. Il est pas capable de s'arrêter là où il faut, puis il est beaucoup plus dans le mépris qu'Éric Duhaime, que Bernard Drainville, tant qu'à moi. Good. Prochain. Troisième lien ou SRB? Troisième lien. Pourquoi? Hey boy, c'est dur parce que ça va dire, hein? À bord, je te dirais probablement là, ni l'un ni l'autre. Mais à long terme, je te dirais troisième lien. Ce qu'on veut, c'est désengorger selon ce que la population utilise au moment présent. Puis présentement, la population, on va se le dire, c'est pas la vaste majorité qui utilise les transports en commun. Hein? Ouais, même si on veut, en tant que tel, pousser les gens à adopter ce mode de vie-là, ça peut pas être adopté par tous de un. Puis c'est à cause que, je veux dire, si t'as des enfants, puis faut que tu fasses un arrêt à garderie, porter ta femme c'est à sa ça. Job, va être à ta job. Puis on s'entend pour dire que même si on a une plus vaste majorité de couples sans enfants ou avec un seul enfant, des familles nucléaires, il y en a de plus en plus, là, veux pas. Oh, ouais. Mais j'aurais quand même troisième lien parce que présentement, l'automobile, c'est ce qui est le plus utilisé par la population. Puis la répartition aussi, là. C'est très étendu, Québec, oui, là. Oui, ben oui, c'est clair. C'est de Saint-Augustin à Charlebourg, là. Exact. Puis là, tu centralises encore avec le SRB sur les deux ponts. Tandis que le troisième lien, s'il est écarté le moindrement, tu décentralises de Sainte-Foy. Ouais, mais le troisième lien, les plans, ils le veulent à côté des deux autres ponts. Ouais, ce qui est nono, là. Les deux autres ponts, c'est mettre valeur. Faut qu'il soit, s'il y en a un, faut qu'il soit à Beauport. Ben oui, parce que le monde de Beauport va arrêter de prendre la capitale. Exactement. Puis le monde de l'ancienne, ben, il y en a moitié qui vont tourner vers Beauport. Ils vont prendre du frein Montmorency, qui vont passer par Beauport. Ça va aller bien mieux. Le problème, tant qu'à moi, t'arrêter, là, faut que j'arrête. Le problème, je pense, je me souviens même plus ce que je voulais dire. C'est le boulevard Laurier. Point. Boulevard Laurier. Vas-y. Exact. Sylvain Bouchard ou Gilles Parent? Gilles Parent. Gilles Parent, n'importe quand. Sylvain Bouchard, je l'écoute à tous les matins. Puis à base, à chaque fois qu'il disait quelque chose, je venais en colère. Puis de plus en plus, j'écoute ce qu'il dit. Puis j'essaie un peu plus de comprendre ce qui se passe derrière ce qu'il dit. Parce qu'il est toujours dans... comment je dirais bien ça? Il veut comme... Je sais pas s'il cherche la controverse à tout prix, mais j'ai l'impression que des fois il fait ça sans nécessairement que ce soit son point de vue. Puis ça me dérange beaucoup parce que je suis comme Colin, tu peux-tu être compréhensif un petit peu plus envers ce que les autres peuvent t'apporter? En train de perdre la voix, je parle beaucoup trop. Non, mais c'est vrai que des fois, il va faire des liens qui ont comme pas de bon sens. Zéro. Genre, zéro. Il propose de l'information, puis après ça, il dit « donc ça », puis t'es comme « non, c'est vraiment pas vraiment donc pas ça ». Gilles Parent, quant à lui, je trouve qu'il est beaucoup plus léger dans sa manière de parler. qui est beaucoup plus engagé dans ce qu'il va dire, que ce qu'il va partager, ça va être essentiellement lui. En tout cas, si c'est pas lui, il joue un très très bon jeu, puis il est capable de déconner plus que Sylvain Bouchard, tant qu'à moi. Ouais, il est très dans la controverse, puis comme, faut que tout le monde dise la vérité, genre, et il y a juste une vérité. Il essaye beaucoup, je trouve, d'imposer ce que lui pense. C'est vrai. Puis pour finir ce sujet-là, parce que je vais étirer un peu, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il parle tout le temps de tous les sujets du monde à des amis dans des soupers? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'ai l'impression, ça fait comme une semaine que j'essaie de plus écouter la radio de Québec pour voir un peu ce qui se passe. Ouais. Puis on dirait qu'à chaque jour, il est comme, oh, je parlais de ça avec des amis à un souper. On dirait que tout le temps qu'il y a des soupers avec genre 10 amis. Oh, ouais, ben lui et Éric Duhem, c'est pareil, les moments continentaux 8 fois par tout semaine. Tout le temps. Non, ben, j'exagère là parce que mais je ne sais pas qu'il... exactement leur train de vie. Mais c'est vrai qu'on dirait ça. On dirait ça. Le Québec, la ville de Québec, raciste ou pas? Raciste. Je pense que il y a beaucoup d'améliorations dans ce qui se fait dans le monde, là, ça c'est clair. Mais j'irais au-delà de raciste, j'irais simplement intolérante. On se décrit comme une société qui accepte tout et qui accueille à bras ouverts. Ça c'est tant que tu adoptes les mêmes pensées que la masse. Puis ça c'est un petit peu un problème parce que, des pensées différentes de la masse, je pense qu'on en a tous. Ouais. Puis, pour ma part, je me le cache pas, je suis chrétien évangélique, puis c'est bien de valeur, mais j'envie de l'oppression. Oh. J'envie de l'oppression. Le végétarisme aussi, hein. Nombre de fois tu fais dire, hey là, que Satan, là, mangeons un peu de bacon. Oui, il y a du racisme à Québec, puis il faut le dénoncer. Je pense que je suis pas le mieux placé pour dire j'ai vécu du racisme, malheureusement. Non. Mais il y en a. Puis je pense qu'on n'a pas besoin de regarder plus loin que notre propre nombril pour le savoir. La CAQ ou le PLQ? Le PLQ. La CAQ est très très décousue. Et jusqu'à très récemment, je pensais que la CAQ était le bon parti pour comme chasser la corruption, puis être capable de comme, oh shit! Était moins dans la controverse tant qu'à moi. Puis finalement, je me rends compte que François Legault, c'est un chasseur de vote là. Ben, chasseur de vote, François Legault. Là. François Legault, c'est un monsieur. Oui, je vais le faire. Ouais, exactement. Ben, là, c'est ça. Je suis sûr qu'on irait. T'es comme, hey, il me semble là, on devrait avoir comme un événement à Québec où est-ce que on donne des hot dogs bleus genre pour la Saint-Jean. Ben oui, c'est une bonne idée, je vais faire exactement. Ça. Peu importe ce que c'est, la personne va dire en face de lui, il va être d'accord avec ça. Ce qui fait que c'est pour ça que lui-même se dit ni de gauche ni de droite, puis c'est pas une stratégie gagnante. Je veux dire, comment veux-tu te rattacher à un parti politique qui se dit rien du tout, qui n'a pas d'identité? Puis on va se le dire, la CAQ, c'est le parti politique qui a le moins de membres. Je sais. Le moins que Québec solidaire, Option nationale, là. C'est ridicule, qu'il en parle autant. Je capote, mais qu'il y ait autant de votes. Je veux dire, c'est comme... Ah, la CAQ est là. La CAQ est là. Ouais. Ben, fait que la CAQ... Quand t'as pas d'identité, t'es rien. Non! Se plaindre des politiciens ou louanger les politiciens? Hein? Hey boy, Parce qu'on s'entend, là, à Radio de Québec... Oui, à Radio de Québec... ça chiale beaucoup des politiciens, puis ça se plaint aussi que les médias québécois louangent des politiciens. Et oui. Ils sont comme les médias québécois, ils montrent jamais le vrai visage des politiciens, mais eux autres, ils applaudissent jamais rien non plus. Effectivement. Mais y a-t-il un extrême que tu penses qui est moins pire que l'autre? J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Je dirais louanger les politiciens juste par leur position qui doit être tellement angoissante et remplie de il doit avoir des problèmes à gérer au quotidien avec eux-mêmes puis avec le parti. Puis je pense que le problème là-dedans, c'est le parti politique en soi. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis contre les partis politiques. Remarque, je dis je suis contre les partis politiques, je vois difficilement comment ça pourrait marcher sans... Ben, moi, j'en ai parlé un peu avec le gars avec qui je covoiture, puis justement, là, si t'éliminais les partis puis qu'il n'y a plus personne qui est obligé de voter selon une ligne, ben, t'aurais genre, quoi, 10, 15 ans, où est-ce qu'il se passerait? Fuck all! Parce que tout le monde tirerait de son bord, puis à un moment donné, les politiciens feraient comme, bon, ben, on est tanné qu'il se passe rien au Québec, puis là, tout le monde se mettrait à voter pour le bien commun. Voilà. Mais il faudrait passer au travers d'un 10 ans où est-ce qu'il se passerait jamais rien. Ce serait comme un 10-15 ans avec des partis minoritaires. Ouais. D'accord. Super Bowl ou WrestleMania? Ça, c'était ta demande, là. Mais c'est vrai qu'il parle quand même de sport, là. 93-3, ouais, là, oui, c'est fort de sport. Avec Dan Pou. Hein? Ouais, t'entends à Dan Pou, l'escouade Pou. Je vais dire WrestleMania. Je suis un grand fan de lutte, puis le WrestleMania, c'est toujours quelque chose de spécial. Il y en a qui me chiolent après, des fois, qui disent « Oh là, la lutte, c'est arrangé, puis là, tu sais, c'est prévu à l'avance, puis c'est du fake. » Puis je suis comme « Ouais, Star Wars, c'est arrangé, c'est prévu à l'avance, c'est du fake. » C'est vrai. c'est pas comme s'ils se vendaient encore comme si c'était du sport. Là, c'est du sport entertainment. Ils se cachent pas. Là, mais non. Ils font, c'est un spectacle. C'est comme si t'allais au théâtre ou si t'allais au cinéma, c'est pareil. Mais il y a plein de gars huilés. Il y a plein de gars en bobette huilés qui se touchent, c'est ça. Hey, Régis Labeaume ou Gilles Lehoulier? Hey! Je vais dire Gilles Lehoulier. Hey, ça fait deux Gilles que tu prends dans tes choix. Effectivement, Régis Labeaume, plus capable. Mon doux, j'ai l'impression que... comment je réveille ça? Il veut se faire voir, Régis Labeaume. Il veut se faire voir. Il veut pas qu'on oublie qu'il y a un maire à Québec. Voilà. Puis, alors que le rôle du maire, on s'entend qu'il est tellement minime là, dans ce qu'il peut faire pour sa municipalité. Écoute, il peut influencer bien des choses, mais en bout de ligne, les grandes décisions ne viendront pas de ton maire de ta ville. C'est encore drôle. Il gère mal un petit peu tout ce qui est développement urbain dans les différentes régions appauvries du Québec, de la ville de Québec. C'est-à-dire, prends le quartier Saint-Sauveur, quartier Saint-Sacrement, quartier Saint-Roch. C'est tous des quartiers qui sont atteints de problèmes de pauvreté. Puis, ce qu'il fait dans ces quartiers-là, c'est qu'il fait du développement pour que les riches se dirigent vers ces quartiers-là. Mais c'est pas ça la solution, là. La solution, c'est de venir en aide directement à ces personnes plutôt que de construire un amphithéâtre pour augmenter le tourisme. Alors que tu dis, présentement, cet argent-là, on pourrait le subventionner pour venir en aide à ces personnes-là. Tu sais, là, il a fait une subvention pour construire un amphithéâtre et salon de jeu. Oui, mais... Un salon de jeu dans une zone appauvrie, là. Oui, mais Guillaume, comment est-ce que les commanditaires vont donner de l'argent à la ville de Québec si tout ce que tu fais, c'est régler des problèmes? Ouais, c'est vrai, hein. C'est... Aider les gens, c'est pas gagnant. Hey, il en reste deux. Citation hors contexte ou extrapolation ridicule? Je veux dire extrapolation ridicule, parce que moi, ça me fait bien rire, puis je trouve ça absolument ironique. Je vais essayer de faire une extrapolation ridicule sur l'extrapolation ridicule. Si tu ne permets pas aux gens de faire une extrapolation ridicule, mais que tu permets aux gens, en fin de compte, de prendre des citations hors contexte, ben ça va donner des situations où est-ce que tout le monde va vouloir mettre des citations hors contexte. Puis si tout le monde fait ça, ben c'est un grave danger. Parce que là, tu vas gâcher la réputation des gens. Puis si les gens gâchent leur réputation, on se ramasse avec un taux de suicide semblable aux communautés amérindiennes qui sont atteintes par ce grave fléau. Écoute, il y a des communautés en Asie du Sud-Est qui n'ont pas le droit d'extrapoler. Ben, exactement. Puis, t'as-tu vu comment ça va là-bas? C'est de la pauvreté très, très partout, là. Très, très, très mal, là. Puis, ils ont des dictateurs. Ben oui. Et finalement, ben, le plus évident, Radio de Québec ou Radio de Montréal? Radio de Québec. Radio de Québec. Je ne m'en cache pas. Je pense pas que je sois un partisan de la droite. On remarque probablement que, à force d'écouter la Radio de Québec, ça va venir. Mais, je trouve que la radio de Montréal est beaucoup plus menée par une élite proche. C'est des artistes. Des artistes. Toutes les émissions de retour à Montréal, c'est Marine Orsini, c'est Jean-Michel Anctil, Dominique et Martin, c'est tout le temps des artistes. Voilà. Je pense qu'on a deux extrêmes, puis il faudrait un petit peu plus équilibrer la patente. Je pense que l'ajout de Bernard Drainville dans la radio de Québec est un gros plus, tant qu'à moi, pour équilibrer la patente. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire, puis on se rend bien compte que quand les radios de Québec veulent faire passer un point, ben ils vont interviewer un partisan de la gauche, puis le ridiculiser en ondes le plus possible pour y rentrer dedans. Puis quand ils veulent faire valoir un point, ben c'est bien de valeur, mais ils vont interviewer quelqu'un de droite qui va être un de ses grands chums, puis qui vont aider à faire passer son point. Mais tu sais, ça revient un petit peu au même que de dire Fox News va faire Fox News, eux autres, c'est aux États-Unis. Puis ils vont passer toutes sortes de controverses sur leur chaîne parce que c'est des vendus des républicains. Ouais. Puis quand ils veulent interviewer quelqu'un des démocrates, ils vont toujours prendre un petit monsieur ben lettre avec des grosses lunettes, puis il va parler un peu comme ça, juste pour que tu le trouves absolument ridicule. Quand ils vont interviewer un républicain, ben, ils vont être un monsieur bien habillé, musclé, avec une belle voix de radio. Ce qui fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose quand il vient le temps d'interviewer. Fait que je pense que le best, ce serait de rééquilibrer la patente. Puis, s'il peut avoir plus de Bernard Drainville au FM 93, moi, je vais être content. Fait que, mot de la fin, une radio poubelle ou pas? Oui, une radio poubelle encore. Encore une radio poubelle, même si je l'écoute, là. Je pense que, personnellement, à force de l'écouter, je me rends compte que c'est beaucoup moins pire que ce que j'imaginais dans ma tête, puis que ce qu'on entend souvent, c'est pris hors contexte, puis c'est pas sorti de la bonne façon. Mais, je veux dire, c'est pas rare que je vais lire des textes de Jeff Fillion sur Internet, puis que je me rends compte que de la radio poubelle existe encore très, très fortement à Québec. Merci, Guillaume. Avec plaisir. Ce une minute pour justifier était une présentation assez podcast poubelle. C'est les podcasts poubelles. Podcast poubelle. Mordez dans les poubelles. Excepté une fois au 7 avenue des Pins. Patates, sauce brune et fromage. Font un excellent ménage. Ça, c'est les ingrédients pour faire quelque chose qu'on appelle au Québec la poutine. La bonne poutine avec des curds puis du gravy. Ben moi, j'aime pas le fromage, mais j'aime quand même la sauce. Oui. Ce qui fait que même si j'ai pas de fromage, ben je peux faire des heureux en donnant mon fromage. Puis moi, j'aime beaucoup le repas quand même. Puis tu peux modifier ta poutine. Puis ça, je pense qu'il y a quelques personnes qui font ça, modifier leur poutine. Tu veux dire... Oui, ben oui, rajouter des choses. Ingrédients. C'est ça, c'est pas de la poutine. À base, c'est juste trois ingrédients. Ouais, c'est patate, sauce brune, fromage. Mais on s'entend pour dire que si tu rajoutes du poulet dedans, ça te fait une galvaude. Ben oui, mais c'est quand même une galvaude avec fromage. Ben, une galvaude avec fromage. Poutine au poulet. Poutine au poulet. Mais et, oui. Ben, ce qui est intéressant dans les modifications, c'est que plusieurs commerces s'y sont mis. Et on peut aujourd'hui, cette semaine... C'est terminé hier, là, pour vous autres qui nous écoutez. En direct. Oui. C'était la Poutine Week. La Poutine Week, c'est la première fois. Je sais pas ça fait combien d'années que ça existe là, mais c'est la première fois que je participe à ce trip collectif là. Non mais le fun. Hey, oui. T'as mangé de la poutine cette semaine. Hey, ça fait deux que qu'on prend. Puis la première fois, on a été, on voulait aller chez Mo. Ok. Chez Mo, ils ont une poutine au poulet au beurre. Pis c'est fucking bon du poulet au beurre. Les sandwichs Subway qui avaient fait à un moment donné au poulet au beurre, ils faisaient plein de publicité. Fait que j'imagine que c'était bon. Ouais, c'est très bon. C'est une bonne saveur. C'est une saveur que j'aime beaucoup. Puis on va chez Mo. Crime, c'était réservé pour une entreprise, pas quoi. Fait que là, toute la salle était réservée, tu pouvais même pas rentrer. Non, c'est ça, c'était un événement privé, là. C'est poche. Tout le resto était pris. Ah. Fait que là, on était au Pub Édouard, qui est juste à côté. Oui, ça, j'aime ça, le Pub Édouard. Ah, moi, j'aime vraiment ça. Ils ont vraiment de la sauce, là. Leur poutine normale, là, leur sauce, et ça coche. Mais ne serait-ce que l'ambiance, puis l'endroit, et le fond. Ah oui, non, aussi, déjà, c'est beau, c'est coquet. Mais ça, tu rentres là, puis tu te sens chez vous, là. Oh, ouais, non, c'est ça, c'est une très belle place. De un, oui. Puis de deux, la cuisine est vraiment bonne. Oui, ben d'accord. Fait que on a le point d'accord. Fait que finalement, on était au Pub Édouard. Eux autres, pour la poutine week, ils ont une poutine... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Je vais essayer de la trouver sur mon téléphone. C'est une poutine au ragoût irlandais. Je sais de trouver. Oui, l'Irish put, qu'ils l'ont appelé. Irish put. Dedans, on va vous dire les ingrédients. Quartier de pommes de terre grelot. Ça, c'est ça que j'avais comme un peu peur. Ah, ça, c'est bon. Fait que j'étais comme, des pommes de terre grelot, c'est pas souvent bien apprêté. Puis je suis comme, il me semble que ça goûte pas les frites dans ma tête. C'est vrai, c'est vrai. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, c'est pas une poutine. C'est chaud à goût, mais il était cuit comme, tu sais, des bonnes patates de casse-croûte là, qui sont brunes pis molles. Ouais. Mais il était comme cuit de même. Comme quand tu vas en roulotte maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que ça goûtait quand même les frites. Fait que ça j'étais très, très bien surpris. Un fromage en grain, évidemment. Un ragoût d'agneau à la bière noire qui contient des cubes d'agneau, de l'oignon, des carottes, des petits pois, du panais et de la sauce à bière noire et vin rouge. C'était très, très bon. C'est ça. Est-ce que c'est par-dessus ou c'est tout mélangé? Parce que des fois, les poutines, là, ils vont mettre le fond de frites, le fromage, après ça, la sauce puis l'apprêtement. Est-ce que c'était comme tout mélangé ou l'apprêtement était par-dessus le fromage? C'était tout mélangé. OK. Mais moi, j'ai pas de fromage. Mais de ce que j'ai vu, c'était tout mélangé. Mais c'était quand même, mettons, les les frites dans le fond. Mais vu que c'est un ragoût, puis c'est pas des grandes frites, vu que c'est des corps de patates grelots, ça ressemblait plus à un ragoût, mais vu que les patates étaient cuites frites au lieu d'être bouillies, ben ça goûtait pas vraiment le ragoût d'agneau non plus. Non, c'est vrai. C'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Au début, je trouvais que l'assiette était petite, mais à la fin, j'étais plein. Là. C'était très bon. Ben, on s'entend pour dire que c'est tous des trucs qui nous restent beaucoup. T'as du féculent, puis t'as de la protéine en masse là-dedans, là. Ben oui, tout à fait. Ouais, fait que c'est sûr que t'étais bourré à la fin. Oh oui. Moi, pour ma part, j'ai pas participé au Poutine Week. Non, pas encore. Mais je vais me faire de la poutine. Ben, je me suis fait de la poutine, en fait, pour le Super Bowl. Et toi, là, si tu pouvais, c'est ça, justement, là, t'en as fait une, mais si tu pouvais créer ta poutine pour la Poutine Week, c'est quoi tu ferais? Hein? Ben, je commencerais d'abord avec de la patate douce pour mes frites. Moi, la patate douce, je trouve que c'est une patate qui goûte beaucoup plus sucrée. Et que c'est un goût qui me plaît beaucoup plus que la pomme de terre régulière. Moi, je me tanne. Je me tanne la patate douce. Genre, mettons, là, tout le temps. Mettons, tu me donnes un bol de frites normal. Mettons, pas tout le temps, je vais le finir. Mais si elles sont vraiment bonnes, je vais le finir, c'est sûr. Ouais. Mais si tu me donnes un bol de patate frites douce, probablement que je ne le finirai pas. OK. Ben, moi, je vais prendre des frites de patate douce. Comme sauce, j'hésite beaucoup parce que j'aime beaucoup la sauce hollandaise, mais aussi la salsa mexicaine. Ou, c'est un peu un jet de dés. Bouillon à fondu. Bouillon à fondu non, canton. Canton. Hein? tu l'épaissis un peu, là, crème. L'épaissis un petit peu, ouais. Crème, ça te fait toute une sauce, ça, là. Je vais y aller quand même avec la sauce hollandaise. Ouais. Je vais y aller avec la sauce hollandaise. OK. Je garnis ça de fromage en grain, bien évidemment. Je mettrai du pois chiche. Et des pois chiches, oui. Des pois chiches frits. Pois chiches frits, waouh, ouais. Puis, ça, c'est un long shot, là, mais je pense que je le laisserais pareil. Je mettrais des abricots. Ça serait ma poutine. Ça serait comme ma poutine. Moi, je trouve que ça a l'air bien. Je pense que ce serait très, très bien. Je viens comme de penser ça dans ma tête. Je pense que c'est novateur et... Novateur. Je pense que c'est novateur. Je n'ai d'ailleurs des abricots chez Rosalie. Fait que ça se pourrait que dimanche, c'est ça que j'ai fait. Parce que là, on en a juste le samedi. Là, c'est peut-être que c'est ça que j'ai fait. C'est hot. Mais ouais, je pense que j'irai avec ça. Ça serait ma poutine. Je l'appellerais comment? Je l'appellerais l'abricot gravy. L'abricot gravy. C'est hot. Puis quelle musique tu mettrais en mangeant ça? L'hommage en grain des mes aïeux. Ou Poutine Under Ritz. Ça c'est bon. Écoute, je vais essayer de faire quelque chose d'aussi extravagant que toi là. Moi je pense que je prendrais des patates hachées. OK. Genre patates hachées. Comme des au McDo là. Okay. Ouais, c'est ça. Je prendrais ça, puis j'ai couperais en frites. Ouais. Puis là je ferais frire mes patates hachées. OK. Ouais. Fait que là j'aurais des frites. C'est bon, des patates hachées. Ça. Fait que j'aurais des frites de patates hachées. OK. Après ça comme sauce. Probablement que... Je pense que je ferais une sauce au poivre et à l'oignon. Poivre et à l'oignon, OK. Ouais, je pense que je ferais ça. Quoique, mon idée de sauce à fondu là, me tente beaucoup. Tu là. Pourrais faire une sauce... Une sauce à fondu avec du poivre. Sauce asiatique, puis rajouter de la comme un épaississant de poivre ou quelque chose ouais, de ouais, c'est ça. Je pense que je ferais ça. Je pense que je mettrais un peu de poivre dans ma sauce à fondu. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, je ferais vraiment. Ça. Puis... comme garniture, ben là, vous mettrez du fromage. Ah non, ben là c'est ma poutine, je peux faire ce que je veux. Du fromage Philadelphia si tu veux. Pour vrai, si j'étais pour mettre du fromage, moi j'aime pas. Puis du fromage Philadelphia, ça pourrait être drôle. Ça. Ça pourrait être bon. Je veux pas t'influencer. Faites ta poutine. Non, mais j'y ai pensé un peu. Là. Probablement que je mettrais de la salade de saumon fumé qui contient des capres, de l'oignon, des olives noires. Ouais. Mm-hmm. Probablement du fromage de chèvre chaud. Ouais. Fromage de chèvre chaud. Ouais. Puis je topperais ça. Je topperais ça avec des croutons de bagel. Des croutons de bagel? Ouais. Ouais, quelle sorte de bagel tu prends d'habitude? Bagel nature, bagel multigrain, bagel aux tomates. Bagel nature, mais vu qu'on est en train de faire une poutine week, je prendrais probablement du bagel aux fines herbes. Bagel aux fines herbes. Ouais. Hey, ça pourrait être vraiment cool. Ouais, ça serait ça ma poutine. Vous nous laisserez dans les commentaires quelle serait votre poutine idéale. Ouais. Si vous deviez créer une poutine pour la poutine week dans votre commerce quelconque. Vous nous laisserez des photos aussi si vous êtes allé au poutine week. Laissez-en des photos. Nous autres, on aime bien ça. On va partager un petit peu ce qu'on a trouvé d'intéressant sur le site. Parce que tu m'as montré des poutines qui avaient l'air complètement extravagantes, épouvantables. Ok, je vais tu peux peut-être demander décrire peut-être 3-4 là, que tu trouves absolument épouvantables, ou 2-3 là, mettons. Oui, c'est bon. Ben, je vais commencer par celle-là qui m'a fait capoter le... Renversé sur le cul, ok? Le gars sur le cul, c'est avec pas de à Saint-Apollinaire, chez Lison. Chez Lison. Je suis quasiment tenté d'aller l'essayer juste parce que ça n'a pas de bon sens. Chanteur de Lison. Ok, écoutez bien ça. Écoute, ils ont dû faire un brainstorm, puis tout ce que tout le monde a dit, ils ont dit oui. Genre, ça se peut pas. C'est, on dirait de la spéciale Costco. Genre. Ça s'appelle la Cro-Magnon de feu et viande. Savais-tu qu'il y a de la poutine chez Costco? Ah ouais? Ça a l'air qu'elle est bonne. Ah, ok. Ouais. Mais bon, tu me diras. Pas de ça qu'on parle. Ouais, dans la poutine Cro-Magnon de feu et viande de Costco de chez Lison, il y a de l'émincé de saucisse épicée. Ok. Que ça va. Il y a aussi une saucisse merguez d'agneau. Ok. Ok. Ouais. Des spare ribs. Ok. Des lanières de bœuf à l'échalote. Et un pilon de poulet barbecue. D'une sauce au poivron rouge et vert et garni d'oignons. Ah, voyons donc, c'est à zéro bon. Tu m'as même pas dit qu'il y avait du fromage là-dedans. C'est même pas écrit. Il doit, je sais pas s'il y en a ou c'est juste comme prix. Parce que ça dit pas qu'il y a des frites non plus. Donc, j'imagine que ça doit être sous-entendu. Ouais, là. Ça se pourrait. Alors, bien que t'as déjà mangé une poutine au riz, là, on s'entend. Hein? Oui, ben oui, c'est vrai, mais. Chardon à l'intuition. Ah, l'intuition dirais, poutine, vous direz, c'est mon restaurant de poutine. Ah, ben, regardez celle-là, celle-là a l'air quand même cool. Ça s'appelle L'Enfumé de Limoilou. À quel endroit? C'est au Fiston Resto Bistro. Fiston, c'est. Ah oui, je sais où, c'est sa 3ème avenue. Oui, c'est, tout à fait. C'est vraiment cool. Ben, ça a l'air cool, je suis jamais allé, là, mais je passe souvent devant quand je vais à l'impro ou quand je reviens de l'impro. Hey, écoute bien ça. Je vais te dire, les prix, c'est quand même drôle. Si tu prends une poutine format dégustation, c'est 10$. Ouais. Régulier, c'est 15$. Ouais. Mais si tu prends la poutine accompagnée en accord mets-bière avec une IPA, c'est juste 5$. Hein? Ben non, c'est une joke, c'est juste parce que la manière c'est écrit. Oh. Bon, dans cette poutine-là, il y a des frites de patates Yukon, okay. Fromage en grain de la fromagerie Victoria, oui, un brisket de bœuf fumé sur place, un brisket de bœuf fumé sur place, un oignon. Ok. La virgule n'est pas à bonne place. Brisket de bœuf fumé sur place, virgule, un oignon français au fromage fondant et de la sauce barbecue. Mais la virgule était après un oignon. Là, je n'ai pris un. C'était pas si pire que ça, mais c'était quand même cool. Ouais, c'est cool. Vas-y avec un petit dernier, là, pour nous te contenter, là. Ben, avant que je la charge... Ah oui, attends. Y a celle-là de la souche s'appelle la Kim Jong-Put. Puis le Griendel. On va aller voir celle-là, parce que la photo me fait capoter un peu. Ouais. C'est un gros pilon d'Indonus Rex, de la sauce buffalo, du sirop d'érable et de la crème sure fumée. Il est quand même beau. Fou braque. Pour vrai, il est beau. Je suis surpris que tu me disais ça. Ça va être une grosse bouette dégueulasse, genre un Kraken du de la Shop Goblin. Mais c'est comme, tu mettons, là, tu vois, mettons, Jack Saloon. Vous allez voir sur le site lapoutineweek.com, québec.lapoutineweek.com, savoir ceux qui sont à Québec. Ben, ouais. Ben là, il va être trop tard, mais vous pouvez voir ce que vous avez manqué. Genre, au Jack Saloon, il y a des pommes de terre, une interprétation de Tonko Tsuso, du chassou de porc, un demi-œuf fumé, du togorashi à l'ail rôti, des feuilles de nori, bon, du gingembre mariné, des échalotes, des pimentailles, de la coriandre puis des nouilles ramen. Hey, c'est genre, what the fuck? Tu me dis ça puis je viens de prendre 15 livres. Pour vrai, ça a pas de sens. Prendre 15 livres, ça me rend un petit peu triste. Le prochain segment me rend absolument Mossad. In color. En stéréo. L'araignée est un être singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde. Car l'araignée est là. Il est fort, agressif. Il a du sang radioactif. Il s'accroche sur un fil. Il fait fi du péril. Attention, car l'araignée est là. Des fois la nuit qu'il découvre un mystère, l'araignée surgit aussi vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour vous protéger. Il apporte des secours, il ne veut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat. Quelle action il y en a quand l'araignée est là. T'as-tu déjà été banni parce que t'as dit « grosse fesse » Non, je pense que j'étais un résident modèle. Un résident modèle? Ouais, je pense que j'ai jamais fait chier les gens. Je me souviens qu'il y avait une espèce de liste de mots que tu pouvais pas dire, puis il y avait des mots qui étaient complètement ridicules, genre merde, je pense que t'avais pas le droit de dire ça. Si tu disais ça, t'étais banni. Pour vrai? Oui. Ben voyons donc. Ben, on s'en va pour dire que c'est un jeu pour enfants. On parle bel et bien de Club Pingouin. Hey, pour vrai, si vous connaissez pas Club Pingouin, sortez de votre caverne. What the fuck, là? Club Pingouin, come on. Puis deux, ben ça ferme dans un mois et demi. Sensiblement. Oui, un mois et demi, le 29 mars. 29 exactement. Mars. Il reste plus beaucoup de temps là, pour profiter de cet événement, ce phénomène. On va faire un Twitch. On va aller sur Twitch et on va jouer en direct. C'est sûr qu'on va faire ça à un moment donné. Je sais pas, un Twitch ou un Facebook Live. Facebook là, mais Live. Ouais. On va jouer avec le pingouin. On va faire un pas. Ouais. On pense à vous autres, notre communauté de pingouins et de petits cailloux. C'est combien de temps qu'on a passé là-dessus? Hey, moi, j'ai avec beaucoup joué. Puis on dirait que c'était comme un monde mythique pour moi. Je suis sûr que j'ai même pas vu comme la moitié de la carte. Ça se pourrait bien gros parce que plein on se concentrait quand même sur des activités précises là. C'est ça. C'est pour dire que le cardo Joe prenait beaucoup de place. Ah, ça c'était cool. Oui, c'est le jeu de plongée sous-marine, moi c'était mon jeu préféré sur Club Pingouin. Tu sais, tu faisais de la plongée sous-marine, fallait que tu ailles attraper des trésors, que tu les ramènes à surface. Oui, je me souviens. Tellement il y avait fun. Des jeux de société aussi que tu fais jouer dans le café. Le Mancala. Le Mancala. Je devais être la seule personne sur Club Pingouin qui savait jouer au Mancala. Je battais tout le temps tout le monde. Ouais, mais moi, je suis pas très bon au Mancala, personnellement. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est quoi le Mancala? C'est un jeu de société avec des petits cailloux. Puis là, faut que tu déplaces tes cailloux dans ton but en faisant le tour du board. C'est quand même cool. Moi, ouais, c'est quand même cool. Puis quand tu arrives dans un trou, tu peux. Ça arrive sur une case vide, puis que de l'autre côté du board, il y a des cailloux de ton, il y a des cailloux. Tu peux tout ramasser. Ouais, ou je sais plus exactement des règles là, mais tu peux ramasser des cailloux sur ton chemin là, des trucs là même. Écoute, je suis rempli d'émotions aujourd'hui. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur. Je m'attendais trop à ça, là. Non plus. Moi, dans ma tête, les gens jouaient encore, là. Est-ce qu'on a des raisons pourquoi ça ferme? Est-ce que t'as lu un petit peu à propos de ça? Non, j'ai pas lu, mais j'imagine que ça doit juste plus faire d'argent. Ah, là. Ça se pourrait, parce que c'est un jeu gratuit en ligne. Pour ceux qui connaissent pas Club Pingouin, on peut t'abonner, là. Il y avait des parties payantes, là. Club Pingouin, c'est une grande société. Ben, c'est une micro-société, dans le fond. C'est un MMO. C'est un MMO pour enfants. Un MMO pour enfants. Tu crées ton avatar, tu vis sur la banque. Puis tu construis ton igloo, tu meubles ton igloo plus que d'autres choses, tu fais des animaux de compagnie, tu rencontres d'autres pingouins, tu fais des mini-jeux. Si tu cherches sur Google, MMO, j'essaie de trouver pourquoi le pingouin est fermé. Si tu cherches Why Club Penguin sur Google, les quatre premiers choix sont Why Club Penguin, Why Club Penguin is bad, Why Club Penguin is gay, puis Why Band Club Penguin. Why Band Club Penguin. Ce qui fait que, écoute, moi j'ai eu un compte Club Penguin pendant plusieurs années. J'ai joué longtemps Club Penguin quand même. Remarque, je pense que ceux qui seraient les mieux placés pour nous parler de Club Penguin, ce seraient nos petits frères, Félix et Thomas, qui eux-mêmes ont été abonnés, ils ont payé de l'argent pour pouvoir jouer à Club Penguin puis avoir accès à tous les modules premium du jeu. Les modules premium, ça te permettait d'avoir des skins différents pour tes pingouins, d'acheter de la marchandise pour meubler ton igloo, jouer à certains jeux qui étaient exclusifs aux membres premium. Tu peux plus si t'es pas membre, tu peux pas t'inscrire. Tu peux pas t'inscrire? Non, mais si t'as déjà un compte, tu peux jouer, mais tu peux plus te réinscrire. Je sais pas si c'est juste la partie payante que tu peux plus faire. Probablement que tu peux encore te créer des comptes, là. C'est sorti en 2005. Oui, 2005, le pingouin. Par Disney. Puis dans les 6 derniers mois, ils ont perdu à peu près 2 millions d'utilisateurs. Dans les 6 derniers mois? Ouais. Hé là là, y a-t-il une raison pour ça? Peux-tu lire ça quelque part? Ah ben c'est ça que je suis en train de regarder, mais je pense que c'est juste le monde ont comme switché, peut-être. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une nouvelle version de Club Pingouin sur tablette et mobile. Ouais, ok. Fait que là, j'imagine que les parents téléchargent cette application-là, le donnent à leurs enfants, les enfants vont plus sur l'ordinateur de maison, ils jouent sur la tablette, fait que probablement que... ils veulent aussi forcer les gens à switcher vers le nouveau Club Pingouin qui s'appelle Club Penguin Island qui sort officiellement le 16 en mars. En mars. Puis à partir du 16 février, il y a une pré-enregistration que tu peux faire. Ouais. Puis il dit que tu peux pas transférer ce que t'as acheté puis que ce que t'as gagné dans Club Pingouin vers le nouveau Club Pingouin. Mais ça, en tant que tel, ça disparaît d'internet, mais Club Penguin est pas mort pour autant. Ben c'est pas mort. Mais la version classique. Mais la version classique, c'est ce qu'on a connu. C'est ce dans le quoi on est confortable. On pourrait s'ouvrir des serveurs de Club Penguin Vanille. Hein, penses-tu qu'on serait capable? Allez, Ojecta Est. Non, mais penses-tu qu'on serait capable pour vrai? Ben non, on n'a pas. Pas bon, moi, en codage informatique. Moi, je pense pas parce que, je veux dire. Contrairement à WoW, tu sais, WoW, il y a plein de serveurs, puis t'as du code, t'as le jeu qui roule sur ton. Ouais. Est-ce que Club Penguin, c'est juste un site web? C'est ton serveur, ouais. C'est ton serveur internet. Je pense pas que tu sois capable d'aller extraire le code source pour te faire un serveur, là. Non. Ils vendent plein de marchandises, puis je pense que, écoutez, on essaie quelque chose, là. On parle pour parler, puis on va voir si ça pogne. Si ça pogne, ça tant mieux, puis on va le faire. Si ça pogne pas, c'est pas grave. On fera autre chose. Mais là, on lance ça, puis. On aimerait avoir votre participation au groupe. On voudrait faire une levée de fonds pour Club Penguin. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait obtenir les dons de la communauté. Et si nous recevons des dons de votre part, on va acheter de la marchandise de Club Penguin. C'est-à-dire, on va acheter des peluches, on va acheter des jeux de cartes de Cardo Joe, on va acheter des chandails, des t-shirts, des affaires de même. Puis, on va les refaire tirer au sein de la communauté. Ouais. Si vous êtes in pour embarquer, là, moi, ça serait quelque chose qui me fait triper. Puis, on va lancer ça avec GoFundMe. On va voir ça. Même, la grande levée de fonds Club Penguin. Parce que Club Penguin, tu fais partie de ma vie. Tu as fait partie de ma vie. Tu as été mon amour de jeunesse, Club Penguin. Comme je dis, je suis pas nécessairement le mieux placé. Pour parler de Club Penguin, il y a des personnes qui ont joué beaucoup plus que moi. Entre autres, mon petit frère Félix Lemieux, comme je disais plus tôt. Et, ce qui est important, c'est pas la quantité, mais comment est-ce que tu l'as vécu. Si l'amour était vrai, là. L'amour est vrai. Félix, écoute, je le vois là, dans ce qu'il dit. Là, je vais vous lire son statut qu'il a publié quand il a appris la nouvelle. Ça va comme suit. Et vous remarquerez un petit peu comment il a voulu semer la confusion avec le début de sa nouvelle. C'est arrivé comme deux jours après la tuerie là, à la mosquée de Québec. Ce qui fait que Félix dit la chose suivante. Ce soir, une nouvelle terrible est sortie. Vous en avez sûrement parlé, cela a choqué le monde entier. Disney a confirmé que dans moins de deux mois, le 29 mars 2017, Club Penguin ne sera plus. J'aimerais prendre ce moment pour éprouver ma plus grande peine et offrir mes condoléances à tous ceux qui sont touchés par cette émouvante nouvelle. Club Penguin était beaucoup plus qu'un jeu, c'était un phénomène mondial qui a touché notre magnifique génération. Je suis certain que plusieurs d'entre vous ont autant de merveilleux souvenirs nostalgiques de ce jeu que moi, que ce soit ses débuts aux alentours des années 2005, ses années de gloire et d'innovation vers 2008, ou même ses années de transition vers des jeux de console aux alentours des années 2011. Club Penguin reste une grande mémoire qui a touché un grand nombre d'enfants de ce millénaire, avec son merveilleux aspect communautaire et ses nombreuses activités qui en faisaient un jeu très addictif. S'il vous plaît, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez partager le message, que ce soit en commentant vos souvenirs de ce jeu, ou tout simplement en partageant ce statut. Tous les efforts sont appréciés. Je ne t'oublierai jamais, Club Penguin. Merci pour toutes ces années de bonheur que tu m'as fournies. J'entends avec Club Penguin, mec. J'entends avec Club Penguin et à Félix Lemieux. Je suis encore empreint d'une grande tristesse, Maxime. Tu voudrais-tu nous chanter la petite chanson de Club Penguin que tu avais dans le cœur pour en son honneur? Encore une autre nuit amère à me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pour moi pour me rappeler qu'hier soir je me suis saoulé. Cet après-midi quand je me suis levé, assis devant ma machine à café, en train de me réveiller le penser, c'est là que j'ai vu que t'étais pressé. J'ai de la misère ou un calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Alors tiens-moi, je m'en vais voir le corps, j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Je m'avais dit je vais t'aider. Ça fait 100 fois que je